considère. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en ce lundi 9 mars. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Un autre jour est possible, votre réveil culturel jusqu'à 6h30. C'est tous les jours de la semaine en direct à la radio, quand vous voulez, en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. À 6h20, je recevrai l'écrivain Yannick Hennel pour parler de son dernier ouvrage, édité par Gallimard. Je cherche l'Italie, mais pour commencer toute cette semaine, une nouvelle série, une série sur les premières rencontres des Européens avec les Indiens, et en compagnie d'une personne que vous connaissez bien, si vous êtes fidèle à France Culture, Marie-Hélène Fraissé, bonjour. Bonjour Toufik. Vous êtes productrice bien sûr de Tout un Monde, tous les mardis à 15h sur France Culture, mais vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste de l'histoire de la globalisation, et depuis très longtemps, vous vous intéressez à l'Amérique. Pourquoi ? J'ai mis les pieds, il y a de ça plus de 30 ans au Québec, notamment pour France Culture, et j'étais au départ américaniste, angliciste, et voilà, je rencontre mes premiers Indiens, et je m'aperçois que derrière l'histoire québécoise, qui me passionnait à l'époque, c'était la grande époque de la revendication, vous savez, la québécité, si je puis dire, derrière eux, il y avait les Indiens qui parlaient français, un français pas toujours facile à comprendre. Et derrière le vive le Québec libre, vous avez rencontré l'autre histoire. Exactement. Et je me suis aperçue que c'était un des nombreux cas qu'on voit à la surface du globe, d'une minorité qui défend à juste titre ses droits, mais qui ne s'aperçoit pas qu'elle-même, elle a sa propre minorité, elle se détourne en quelque sorte. Alors cette parole indienne que j'ai entendue, que j'ai enregistrée déjà à l'époque pour France Culture, m'a profondément émue, parce que c'était un monde très ancien qui se livrait à moi, des chasseurs, des gens en plus que la colonisation avait brisé en grande partie. Donc il y avait à la fois une magie et une douleur. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage édité par Albin Michel autour justement des Indiens, « L'impensable rencontre, chronique des sauvages de l'Amérique du Nord ». Hey, hey, young, hey, hey, young, yana, ana, opa, yeah. Yana ana opa ye ye, yana ana opa ye ye, ya hey ye. Indien d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes, premier épisode, Marie-Hélène Fraissé. On commence par la côte Est, c'est-à-dire la Virginie, l'État de New York. Oui, la côte Est est la plus proche de nous, donc c'est la première qu'ont investi les Européens, les Occidentaux. Les Espagnols l'ont effleuré très vite, mais ils étaient très requis par ce qui se passait dans les Antilles et plus au sud. Et puis petit à petit, les Français, les Portugais, les Anglais vont investir cette côte parce qu'ils vont être désireux de créer des empires coloniaux. C'est un projet qui monte en puissance au cours du XVIe siècle. On veut aller vers des terres lointaines. On n'explore pas le Nouveau Monde, on veut le coloniser déjà, Marie-Hélène Fraissé. Alors, en fait, il y a un malentendu, et c'est ça, moi, qui me réjouit, parce qu'on est vraiment dans un phénomène de sérendipité, c'est-à-dire on cherche quelque chose et on trouve autre chose. On cherche, en fait, le passage, parce que l'idée première, et c'était déjà celle de Colomb, c'est de trouver les Indes, hein, mais les vrais, ce qu'on appelle l'Inde aujourd'hui. Non. Et puis il y a ce continent, au début d'ailleurs on croit que c'est un chapelet d'îles qui barre la route en quelque sorte et qui révèle à la fois que le monde est plus vaste, c'est-à-dire la circonférence de la planète est plus vaste, et puis qu'il y a quelque chose entre nous, entre guillemets, et l'Asie, et ce quelque chose c'est l'Amérique. Et pendant très longtemps, en s'aventurant à l'intérieur du continent américain, les explorateurs caressent ce rêve qui va être tout petit, qui va être très étroit, qu'on va très vite aller en Chine, puisque c'est avec la Chine et avec les îles aux épices qu'on veut faire commerce. Donc l'Amérique est une sorte de déception, mais une déception qui va se révéler extrêmement féconde, puisque petit à petit, et justement vers la fin du XVIe siècle, ils en sont tous très conscients, il y a des ressources, et peut-être sait-on jamais, de l'or. Alors, comment se passent ces premières rencontres ? Alors, elles se passent en général bien au tout premier contact. C'est ça qui est assez fascinant dans ces récits que je lis avec passion depuis une trentaine d'années. C'est que tout premier contact, quand c'en est vraiment un, parce que c'en est rarement un en fait. En général, on a été précédé par quelqu'un qui n'a pas communiqué là-dessus. Mais quand c'est un tout premier contact, comme ce sont des peuples commerçants, ils voient arriver un étranger et a priori, pour eux, c'est un gage d'échange. Donc, tout premier contact, c'est l'Européen est regardé de loin. On voit les navires qui arrivent, cette espèce d'île flottante. Ils débarquent. On ne se méfie pas. On tourne autour. Et puis, assez rapidement, on cherche à faire commerce. On dépose des objets de loin. Puis, on se retire. Et alors, celui d'en face, nous, l'Européen, vient, dépose autre chose et petit à petit, le contact se fait. Le problème, c'est que dès ces tout premiers contacts, et on le voit très clairement dans les textes, il y a tout de suite un comportement abusif. C'est-à-dire, l'Européen d'abord se saisit de personnes. Dans ces récits du XVIe siècle, on a presque toujours des captures de personnes qui sont sur le rivage. On capture une femme et son enfant, on capture des garçons parce qu'on veut en faire des traducteurs. D'accord. Alors on capture des Indiens, ça s'est fait dans les Anglais, les Français, les Espagnols, je veux dire, tout le monde a fait ça. On capture donc quelqu'un qu'on ramène en Europe en général et qu'on garde pendant un an, parfois un petit peu plus, et qui devient donc bilingue. Après, on a donc un truchement, on peut le ramener dans son pays d'origine et on a un intermédiaire idéal. Donc déjà, c'est pas quand même très gentil, je veux dire, être capturé. Il y a une rancune qui s'installe parce que ces captifs, quand ils reviennent, font semblant d'être acculturés. Mais en réalité, dans presque tous les cas, ils vont dire aux gens de leur tribu, méfiez-vous, ce sont des traîtres, ce sont des gens cruels, ce sont... Voilà. Alors, le deuxième contact est souvent beaucoup moins sympathique à cause de ça. Alors, Marie-Hélène Fraissé, et vous le dites d'ailleurs très bien dans votre ouvrage, pour parler de ses premières rencontres avec les Indiens d'Amérique du Nord, l'objet de notre série cette semaine, vous avez travaillé sur, bien sûr, des récits, des journaux de bord, mais aussi des légendes. Alors, comment faire, justement, la part du vrai, du faux, de ce qui s'est réellement passé et de ce qu'on a transformé en légende? La part n'était pas facile à faire à l'époque. Nous, aujourd'hui, nous pouvons la faire. C'est vrai que, comme on est tout le temps à la poursuite d'une illusion, puisqu'on cherche le passage, ou on cherche l'or, ou on cherche des royaumes donc qui sont dans certaines légendes médiévales. Par exemple, il y a une légende des sept cités qui va hanter l'exploration nord-américaine et qui procède en fait d'une légende médiévale qui est celle des 10 000 vierges, voilà. Donc on porte devant soi un imaginaire qui est celui des textes. Et quand on rencontre des Indiens, des Amérindiens, des habitants donc de cette Amérique, on va tout de suite chercher à plaquer sur eux le modèle. C'est l'exemple des Amazones. On voit des femmes qui ont l'air d'être seules, sans hommes. Ah, ce sont les Amazones. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité face à la nouveauté, face à l'autre, avec un grand A, de faire autre chose que de reproduire le schéma mental et les légendes dans lesquelles on a baigné. À partir des écrits qu'on a retrouvés, sont de cette époque-là. Mais est-ce qu'on peut dire que tous les gens qui découvraient ce nouveau monde étaient animés par les mêmes intentions? Non, il y avait des motivations très diverses. Par exemple, on sait très bien qu'avant les explorateurs officiels, il y aura eu, par exemple, des pêcheurs. On sait très bien que les Basques sont présents sur les côtes nord-américaines à peu près dès la moitié du XVe siècle, vers 1450-1460. Ils pêchent, donc comme la pêche est très abondante, ils ne sont pas pressés de dire qu'ils ont trouvé des bancs de pêche extraordinaires. Mais ils sont là. Et eux, on peut imaginer qu'ils n'ont pas du tout le même type de contact avec les autochtones que des envoyés officiels qui ont pour mission d'investir le pays. Mmh. Alors eux, ils font du commerce. Sans doute qu'il y a déjà des abus, c'est-à-dire on viole des femmes, très probablement. Et c'est là que s'amorce les premiers échanges, puisqu'en même temps qu'on pêche, on débarque à terre et probablement on rapporte déjà en Europe des fourrures. Donc vous voyez, ça commence à bas bruit, dans une espèce comme ça de flot, et puis après arrivent les explorateurs officiels qui, eux, vont écrire et qui vont raconter. Alors ils racontent au roi, c'est le cas de Verrazano qui raconte à François Ier, voilà ce que j'ai vu, et puis alors ils baptisent tout, ils baptisent Terre d'Angoulême, la région... qui est au sud de New York, il donne des noms européens. Il y a aussi les missionnaires qui vont venir avec leur idée d'évangéliser, de convertir, et qui vont donner des noms chrétiens, saints ceci, saints cela. Donc on transporte son univers avec ça, avec soi, c'est ce qui est très frappant. Mais en même temps, que ces textes sont quand même relativement accusateurs, parce qu'il y a d'abord cette incapacité à représenter l'autre, ensuite il y a tout de suite la tentation, et ce n'est pas qu'une tentation, d'abuser, c'est-à-dire de tromper l'Indien, c'est-à-dire en gros, c'est l'éternelle histoire, je lui donne de la pacotille, et en échange, j'espère avoir de l'or. Et le commerce, s'il m'est favorable, je pousserai le bouchon un petit peu plus loin. Donc il y a une idée d'abus au départ. Donc, si l'on prend la première colonie anglaise, qui va être, non pas tout le monde croit que ce sont les pèlerins du Mayflower en 1620, mais pas du tout. La première colonie anglaise durable, c'est la colonie de Jamestown. Et elle-même a été précédée par une tentative de colonie qui a très très mal tourné, plus de 20 ans plus tôt. Y a à la fois ce désir d'investir le lieu, de chercher de l'or, parce que l'aventure de John Smith, qui est bien connue, c'est moins une tentative de colonisation qu'encore une fois une recherche du passage pour aller plus loin et trouver de l'or. Mais il y a quand même un éblouissement, c'est-à-dire que ce sont des cultures, dans certains cas, qui sont extrêmement sophistiquées, raffinées et puissantes. Alors il y a une première description, par exemple, que fait John Smith quand il arrive donc dans la baie de Chesapeake et qui rencontre Powhatan, qui est le grand sachem qui fédère tous les Indiens de la région. Il y a une admiration, et voilà comment il le décrit. L'empereur était allongé dans toute sa superbe, sur une couche épaisse d'une douzaine de nattes, de nombreux colliers de grosses perles à son cou, sous une grande couverture de peau de raton laveur. Une femme était assise à sa tête, une autre à ses pieds. De part et d'autre, ses chefs étaient assis sur des nattes, des deux côtés d'un feu, 10 par rangée, et derrière eux se tenait le même nombre de jeunes femmes, les épaules couvertes de perles blanches. Alors ça les intéresse, les perles, hein. Le visage peint en rouge. L'apparat de cette scène de la part d'un sauvage nu était si majestueux que j'en fus saisie d'admiration. Alors voyez ce trouble, c'est un sauvage, mais quel cérémonial, quelle puissance. Et c'est là que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous lisons ça avec un certain effroi, parce qu'on se dit, ces Européens qui débarquent voient bien que le pays est investi, qu'il est nommé, qu'il est possédé. Et cependant, le projet colonial est là. Je plante mes croix, je m'installe et je donne des noms nouveaux. Ce pays de Powhatan va s'appeler Jamestown, du nom du roi d'Angleterre à l'époque. Donc, vous voyez, il y a ce trouble. Et alors, ce trouble a été bien rendu, j'ai trouvé, dans le film de Terrence Malick, Nouveau Monde, parce que, bon, c'est un livre, évidemment, qui fantasme un petit peu, mais il y a un moment, quelque chose que dit John Smith, donc, qui est le leader de cette première communauté de Jamestown, il dit à Pocahontas, bon, l'histoire est complètement fantasmée hein, dans le Nouveau Monde, mais il lui dit, et ça j'ai trouvé ça très, très émouvant, il dit à Pocahontas, tu ne dois pas avoir confiance en moi, do not trust me. Et ça c'est vrai, c'est-à-dire, c'est ce trouble de l'Européen qui sait qu'il est en train de faire du sale boulot, quelque part. Mais qu'il le fait quand mission. Même. Merci beaucoup, Marie-Hélène Fraissé. On se retrouve demain, à la même heure, pour la suite de notre série de cette semaine. Indiens d'Amérique du Nord, premier contact, choc des mondes. Et demain, on verra la conquête, entre guillemets, de l'Amérique, mais à partir du sud du Mexique. À demain. À demain. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Bonjour Yannick Henel. Bonjour. Vous êtes écrivain, l'auteur entre autres de Yann Karski, qui vous a valu le prix Interallié, et surtout une longue et fougueuse polémique avec Claude Lanzmann. Et ceci expliquant peut-être cela, il y a eu chez vous cette envie de quitter Paris pour aller voir ailleurs comment va le monde. Et vous avez choisi l'Italie, le pays de votre épouse, où vous avez vécu 3 ans de 2011 à 2014. Et ce séjour italien est au centre de votre dernier livre, édité par Gallimard, « Je cherche l'Italie ». C'est un récit, presque un journal de bord. Florence devient tout à la fois le musée des chefs-d'œuvre du passé et le lieu idéal pour observer les signes du chaos qui se précise, observer l'horreur du monde actuel à partir d'une ville européenne, pas n'importe laquelle, la plus belle ville du plus beau foyer de la culture occidentale. Ça, vous le saviez dès le début que vous alliez jouer de ce paradoxe ? Non, c'est-à-dire que je fuyais la France, pas simplement Claude Lanzmann quand même, mais disons que je fuyais la France, je fuyais un certain usage du temps et j'ai eu la chance de pouvoir m'installer quelques années en Italie puisque tout simplement ma famille y était et je n'avais aucun projet. Il s'agissait pour moi de me rendre disponible à des œuvres d'art, voilà, je prenais ma retraite, disons. Et de fait, m'a explosé au visage, je m'y attendais un peu certes, mais pas à ce point-là, un certain état du capitalisme déchaîné, hystérisé. Et de fait, ma vie quotidienne a été, pas déchirée, mais le sujet de ma vie quotidienne, ça a été ce contraste entre l'afflux presque fou, jusqu'à l'égarement, des œuvres d'art, enfin, qui n'en finissent pas de renaître, et puis, la vulgarité médiatico-politique portée à un point quand même, je dois dire, d'incandescence rare. Ouais, c'était les dernières années Berlusconi. Absolument. Quand je suis arrivé en 2011, c'était en janvier, c'était le mois où le scandale du Bunga Bunga était révélé. Bon, j'ai rien contre les frasques sexuelles, au contraire. Mais là, il s'agissait d'autre chose, il s'agissait de la souillure. Que quelqu'un, en l'occurrence, c'est même pas Berlusconi qui est le sujet de sa propre souillure, il s'agit d'autre chose, mais la souillure que le monde occidental s'acharne à disposer pour faire disparaître quelque chose qu'on appelait la culture au XXe siècle. Et de fait, cette souillure n'est pas innocente, elle n'est pas seulement liée à la pauvre petite vie des hommes de paille qui sont devenus les politiciens d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de démoniaque à l'œuvre, lié à une forme de à une perversion qui est à l'intérieur du capitalisme. Et donc pour moi, d'être en Italie, c'était évidemment avoir cette possibilité quasi hédoniste d'aller voir les fraises de Paolo Uccello tous les jours, de Fra Angelico, mais c'était aussi presque un pari pour un intellectuel français, enfin ordinaire, de comprendre ce qui se passe, d'être dans le laboratoire du pire, en fait. Les Italiens disent, c'est une formule, « il peggio e senza fine », le pire est sans fin. C'est quasiment, malheureusement, le sujet même à la fois, ça a été le sujet même de mon séjour en Italie, et c'est le sujet, malheureusement, de mon livre. Je cherche l'Italie, oui, je l'ai trouvé, évidemment. J'ai trouvé des formes de bonheur. C'est très classique, ça. Stendhal, déjà, allait chercher son bonheur en Italie. Il est là, à portée de main. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi comment est-ce qu'on endure, comment est-ce qu'on ne se détourne pas, justement, de cette vulgarité qui nous concerne tous, parce que on peut luxueusement rester dans son coin et se dire « on s'en fout, la vulgarité ne me concerne pas ». Mais c'est tout à fait faux, la vulgarité est une forme d'attaque. Ça, c'est pour le côté du gouvernement Berlusconi, de la politique italienne. Comment ce pays est ruiné aujourd'hui par une crise politique, mais aussi une crise financière. C'est dans votre livre « Je cherche l'Italie » Yannick Henel, mais il n'y a pas que ça. C'est le monde qui vous intéresse, puisque, et c'est d'ailleurs assez symptomatique, les seules personnes à qui vous parlez dans votre livre Yannick Henel ne sont pas des Italiens ou des Italiennes, ce sont les immigrants, ce sont les Sénégalais, ce sont les gens de Lampedusa. Bah écoutez, je ne sais pas si c'est si étrange que ça. Alors, ça s'est fait comme ça, disons. C'est que, dans le fond, je vous disais que je m'étais rendu disponible à un moment dans ma vie pour ne faire que voir de l'art. Et finalement, ce que j'ai rencontré, ce CEUX, sont des gens qui n'avaient rien, qui étaient démunis. Pour la plupart des Sénégalais à qui j'ai pu parler à la fois en français, mais surtout en italien, parce qu'ils essayent de ne plus parler français, ils sont fondés, ouais. Absolument. Et parce qu'ils étaient comme moi, mais d'une toute autre manière, errants, et sans rien à faire. Moi, j'étais celui qui n'a rien à faire, mais qui a un peu d'argent devant lui, comme ça, pour 2 ans. Et eux m'ont raconté, je dis eux parce que j'en ai connu 3, mais je raconte surtout la rencontre avec l'un des Sénégalais musulmans, c'est très important, qui s'appelle Issa. Et je lui ai fait remarquer d'ailleurs pour rire au début que son nom voulait dire Jésus. Jésus en arabe, ouais. Ça l'amusait beaucoup. Et plus sérieusement, enfin, pour moi, ce qui se passe en Italie et que j'ai vu de manière plus crue qu'en France, c'est la manière dont, je dirais les sans-papiers pour aller vite, sont les otages d'une mafia qui n'a rien de folklorique, mais qui est absolument un état du capitalisme. C'est une industrie où ces jeunes gens, pour la plupart des hommes, sont des employés, des esclaves, au service d'une organisation criminelle qui leur demande pas seulement de vendre des petits mouchoirs chaque jour, mais surtout d'être corvéables à merci. Ils sont séquestrés et enlevés de la pauvre couche qu'ils payent 100 euros par mois. Il faut les trouver, 100 euros, en vendant des mouchoirs. Mais ils sont enlevables, si je puis dire, pour aller faire toutes sortes de choses n'importe quand, jour et nuit. Donc ce jeune homme, Issa, un jour, il a disparu. Je ne l'ai plus jamais revu. Je suppose qu'on l'a amené dans un camion, sur un chantier, je ne sais où. Donc, dans le livre, effectivement, je parle beaucoup de Lampedusa, j'essaye de remonter à la source, et de ce qui arrive au corps, je dis au pluriel, de ce qui arrive au corps les plus démunis dans ce monde occidental, où on peut, en 1h30 depuis Paris, aller contempler, effectivement, les merveilles de la civilisation occidentale. Et de fait, ce qu'on voit aujourd'hui, en tous les cas en Italie, c'est une passivité, une frigidification, si je puis dire, du rapport des citoyens avec le politique. Ce qui n'est pas votre cas, Yannick Hennel. Je considère votre dernier roman, Je cherche l'Italie, comme un livre politique. Je dirais même que c'est un livre qui marche comme un faux frère jumeau aux soumissions de Michel Houellebecq. Parce que finalement, il y a la même déambulation dans la culture occidentale, dans ce qu'elle a de plus magnifique. Et c'est une vision aussi du monde nouveau tel qu'il se construit ou se déconstruit. Sauf que vous avez pris le parti d'être, de ne pas être soumis et d'être de gauche quand même. Oui. Vous l'avez lu, Soumission de Michel Houellebecq? Oui, je viens de le finir, c'est drôle, ce matin. Mais, vos livres, excusez-moi, ils se ressemblent. Hein. Mais il est certain que, comment dire, on ne peut pas écrire aujourd'hui un livre qui a un peu de sens, enfin, c'est ce que je cherche, enfin, sans en passer par une expertise de l'enfer contemporain. Effectivement, la position de Michel Houellebecq, pour moi, est une position d'envoûté. C'est quelqu'un qui d'une part, par désespoir, enfin, essaye de, comment dire, à la fois de briser toutes les idéologies. Et en l'occurrence, c'est un ennemi de toutes les idéologies de gauche, ça c'est de manière très déclarée. Mais c'est quelqu'un qui comprend que peut-être au fond la République française en particulier, a failli. Vous êtes d'accord avec lui? J'ai lu ça quelque part, que vous étiez plutôt d'accord avec lui là-dessus. En fait, je pense que moi je suis, comment dire, vous avez dit de gauche. Effectivement, je me sens de gauche et mon précédent roman, Les Renards Pâles, était même une tentative utopique d'essayer de voir si quelque chose comme de la révolution ou de l'insurrection était encore possible. Mais de fait, je ne me fais pas d'illusions non plus, même si je suis pour la République. J'étais professeur dans les banlieues pendant 15 ans. Évidemment que que je pense que quelque chose doit se transmettre, doit continuer à se transmettre, qui relève de la communauté, enfin de la du socle, plus donc. De communauté. Mmh. Et je pense aussi, contrairement à Houellebecq, que la France, comme tout pays, devrait être un lieu où toutes les populations sont à égalité. En cela, je ne sais pas si c'est être républicain, mais c'est en tous les cas avoir une pensée politique. Je crois aussi que la solitude nous sauve. Dans le roman de Houellebecq, je suis très frappé, ça n'a pas beaucoup été dit, par le fait que la solitude, donc le rapport de soi à soi, est un rapport de haine. Un rapport, parce que c'est ça le vrai point obscur de la soumission, c'est l'absence d'amour. Enfin, vous savez que le seul lieu où l'amour n'existe pas, ça s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est le lieu où l'on n'aime pas. Donc, Soumission, c'est un livre sur la damnation. Enfin, c'est-à-dire que celui qui raconte cette histoire est damné. Je ne parle pas de Houellebecq, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais le narrateur est damné et ne peut voir les autres, toutes les communautés, que de manière désintégrée à travers son ennui. L'ennui, c'est très fort. Étymologiquement, ça veut dire être dans la haine, in odio esse. Et donc, pour moi, à partir de là, l'expertise politique de Houellebecq, elle voit très bien ce qu'il en est du délitement. Mais comme c'est vu à travers la haine, à travers l'ennui, à travers l'absence d'amour, ça ne peut être que quelque chose de faux, au sens du malin, de vicié, vous voyez. Alors, vous, pour revenir un peu à vos références, à vos dieux, tiens, pour reprendre oui. une discussion que vous avez avec un réfugié, un Africain en Italie, Georges Bataille, Dante, Kafka, ce sont des références littéraires et d'autres d'ailleurs dans le livre. Alors, est-ce que pour vous, Yannick Enel, et c'est très important, est-ce que ce sont des signes d'appartenance à une culture française, occidentale ? Est-ce que c'est votre identité nationale ? Non, pas du tout. Dans Les Renards pâles, j'essayais de suggérer à quel point peut-être les Dogons nous sauveront, à quel point il était urgent de sortir de la gangue occidentale, enfin de la pensée moribonde occidentale, enfin de s'ouvrir ne serait-ce qu'à d'autres spiritualités. Donc moi j'aime bien cette question que ce sans-papier sénégalais m'a posée, c'est qui sont tes dieux ? Et sans penser aux vrais dieux, en réalité, je voulais vous dire qui sont vos protecteurs ? Quelle est votre culture de base ? Absolument, parce qu'au fond, la culture, ce n'est pas forcément laïque. Non. Et donc, j'aimais bien, moi, je lui ai répondu des écrivains, parce que c'est à ça que je crois, disons, pour employer ce langage. C'est-à-dire Chrétien de Troyes, un écrivain catholique français, Franz Kafka, un juif tchèque qui écrit en allemand, et Dante, un italien. C'était les trois noms qui me sont venus comme ça, parce que c'est mes trois écrivains préférés, pour le dire enfantinement. Mais aussi, je me disais, voilà, la communauté qui est en jeu dans sa question. Quels sont tes dieux ? Qui te protège ? Comment tu fais dans la vie ? C'est ça, là. Pour moi, ça passe par la littérature. Un grand livre de littérature, mais surtout un propos politique très puissant que je vous recommande vivement, le dernier roman de Yannick Enel. Enfin, dernier roman, le dernier livre, puisque c'est un récit plutôt. Je cherche l'Italie. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Merci à vous.